Sommes-nous dans le début d'une époque moyenâgeuse? Il semblerait que oui, car le Moyen Âge est une période sombre qui, en fait, remet en question tous les systèmes et le déclin d'une certaine forme de vie sur la planète Terre. Assistera-t-on à une dépopulation éventuelle de la planète Terre afin que cette époque moyenâgeuse soit moins lourde à supporter? La réponse est probable. Naturellement, la géopolitique devra changer et les bouleversements qui devront venir devront amener une plus grande paix pour savoir que tout ce que vise la croyance et les services religieux de l'époque ancienne n'auront jamais permis à l'individu de comprendre qu'est-ce que veut dire avoir un centre de gravité et une puissance de centricité qui génère dans la conscience d'une personne des changements drastiques et réels qui permettront une transformation totale de l'individu. Dans une époque moyenâgeuse, nous retrouvons toujours des endroits où l'expansion de l'astral se fera très grand et l'homme vivra des tensions extrêmes avec son environnement parce que les âmes incarnées n'auront pas toutes la même sensibilité pour se générer dans une puissance de beauté qui n'appartient pas pour le moment à la Terre. Lorsqu'on considère que cette époque moyenâgeuse ressemble étrangement à ce que la Terre a vécu au Moyen Âge, du 5e au 15e siècle, on comprend que c'est une déstabilisation et une rupture avec le passé qui se produit. Nous assistons donc avec le coronavirus à un début de changement en société et ce qui témoigne le plus de cette société dans laquelle nous vivons le plus, c'est l'absence de beauté. Et comme cette absence de beauté a été fragilisée au cours des années avec un vestimentaire en déclin, des discours de plus en plus bancals et des forces de la noirceur de plus en plus présente autant sur l'Internet, la télévision et dans les sphères de la finance et des gouvernements, nous pouvons comprendre que l'individu ne peut rien pour cette société qui est en transmutation sinon que de revenir à lui-même. Le but donc de cet enregistrement est pour simplement clarifier quelques notions qui permettront à l'individu de revenir dans son centre de gravité, une force qui lui permettra à cet individu de générer une capacité de parole plus grande afin de comprendre ce qui tourne autour de lui. La première des choses est de saisir que lorsqu'on n'est pas dans un rythme de vie qui nous appartient, cela veut dire que nous avons été à quelque part parasités par des formes ou des structures astrales de la pensée. Si par exemple vous allez en société et que vous constatez qu'il y a des moments dans cette société où l'astral est plus fort, vous pourrez vous en protéger simplement en étant scient que lors d'une journée, d'une belle journée par exemple, les individus sont davantage astralisés lorsque le printemps arrive parce que pour la première fois, les mentales émotifs vibrent à des réalités. Alors qu'en fait, il faut toujours être dans un centre de gravité pour ne pas subir cet environnement. Incidemment, il y a des moments où vous pourrez aller en société et il y a des moments où vous aurez à décider, dans cette époque moyenâgeuse, de ne pas y aller. La lenteur dans laquelle vous allez expérimenter votre mental lorsque vous allez dans une société est ce qui vous permettra de garder un plus grand centre de gravité. Ne soyez pas bousculé dans vos propres énergies par des empressements qui vous feraient sortir de votre centre de gravité. Pour absorber cette époque moyenâgeuse et qui s'échelonnera sur plusieurs années, l'ego aura besoin de centricité. Et pour se donner de la centricité, une personne doit toujours regarder où se situe son corps émotif. Si ce corps émotif est plus vulnérable, il s'agit alors pour la personne de simplement identifier clairement ce qu'elle ne pourra pas faire dans cette journée, puisqu'elle peut être vulnérable. Le focus de son apprentissage avec la vie est de rester près d'elle-même. Et troisièmement, la personne qui apprend à rester près d'elle-même verra que son énergie montera tranquillement et qu'elle pourra d'ailleurs peut-être faire plus de choses qu'elle ne le pensait. Mais principalement, il faut reconnaître ceci à cette époque qui débute, c'est que le lieu de repos dans lequel vous vous trouvez sera possiblement le socle ou l'habitacle le plus important. Si vous ne pouvez pas être à la maison et être en repos, cela veut dire qu'à quelque part, vous n'avez pas encore cette lenteur qui vous permet de vous reposer et de bien observer vos propres énergies. Puissamment, il s'agira à ce moment de retravailler sur vous et d'équilibrer vos éthers. Ceci se fait très facilement en étant conscient de ce qui se passe autour de soi-même. Il ne s'agit pas de faire des exercices de respiration ou quelconque réalité amenant l'ego à penser que par l'exercice, il va faire quelque chose de bien. Il s'agit de prendre le temps de s'asseoir dans son énergie et de voir qu'est-ce qui vibre. Si ce qui vibre, c'est le corps émotif, il y a une façon très simple de libérer ce corps émotif. C'est de prendre le temps de se centrer. Et comment on se centre? On établit en premier lieu quelle est la paix qu'on veut établir dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures afin que l'on puisse se reposer. L'époque moyenâgeuse dans laquelle nous sommes entrés a ceci de très concret. C'est que l'astral est fort et ne permet pas à une personne de se reposer, à moins qu'elle identifie clairement ce qu'elle doit aller faire dans cette société ou des gens qu'elle doit rencontrer pour ne pas perdre de l'énergie inutilement. Donc, si nous investiguons la réalité d'une époque moyenâgeuse, on considère donc ceci, que la déstabilisation d'une société amènera quelque chose de plus grand par la suite. Ce plus grand, par contre, peut prendre une décennie, deux décennies. Dans le cas suivant, il s'agira de plus d'une décennie, c'est certain. Il y aura donc des décisions très précises à prendre pour organiser son futur d'une manière à ne pas perdre l'équilibre entre ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. L'intelligence viendra surtout du fait que vous serez compréhensif de la réalité dans laquelle la planète Terre entre. Et comme il s'agit d'une époque très déstabilisante, il y aura certainement des lectures que vous aurez à faire et aussi des prises de conscience qui devront vous mener à être beaucoup plus près de vous-même pour garder un taux vibratoire toujours élevé, afin aussi de donner à votre ego la capacité de se reposer. L'époque présente est moyenâgeuse parce qu'elle n'a pas de direction à laquelle la société pourra adhérer encore pour plusieurs années. Lorsqu'on regarde le déconfinement et que celui-ci crée énormément d'insécurité, il est compris qu'il y a beaucoup de craintes dans cette société et la crainte, c'est ce qui enlève le plus à une personne sa capacité de bien se gérer. Le corps émotif qui vibre au gré des saisons est présentement très, très instable puisque toutes les sociétés se voient bousculer à l'intérieur de ce qui était possible de faire durant une saison estivale et possible de faire durant le printemps, et etc. Donc, est-ce que les personnes pourront se réinventer? Cela ne sera pas toujours facile puisque la société est en train de retrouver, dans une certaine mesure, un équilibre qui sera simplement temporaire puisque le déconfinement n'amènera pas les gens non plus à saisir quelle est la direction qui viendra par la suite. Donc, nous entrons dans une période incertaine et c'est pour cela que la lenteur que vous serez capable de vous donner à l'intérieur des activités que vous aurez à faire pour égayer votre vie seront des activités qui auront aussi à ne pas vous sortir de votre centre de gravité. Du coup, vous ne pourrez pas faire ce que vous faisiez dans le passé de la même manière, car il faut composer avec les énergies environnantes, c'est-à-dire que le parasitage est un exercice de l'astral qui cherchera toujours à vous récupérer. Le parasitage étant du fait que dans tous les environnements que vous irez, il y aura des énergies émotives ou encore des énergies qui sont liées à de l'astral. Et de cette manière, lorsque vous reviendrez à la maison, il s'agira de vous déparasiter en étant dans une lenteur qui vous permettra de retrouver votre centre de gravité intact. Car plus vous serez sujet à aller à l'extérieur, plus vous aurez à être vigilant de ce qui s'y trouve. En ce sens, est-ce que l'individu pourra continuer de travailler dans le monde comme il le faisait? La possibilité de cette réponse est possiblement que non. L'homme ne pourra pas être dans les mêmes exercices de fondation, car la société actuelle n'a pas ce qu'il faut pour construire de la beauté. Et c'est pour cela que cet enregistrement qui est court permet simplement de rappeler à l'individu et à une personne qui se conscientise que la vigilance sera sa plus grande arme pour se protéger contre l'astral et son parasitage. Donc, qu'est-ce qui peut parasiter une conscience? C'est simplement le fait que lorsqu'on va dans le monde et qu'on n'est pas vigilant, il y a toujours des énergies qui circulent qui peuvent être amalgamées à notre champ d'énergie. C'est pour cela qu'il faut être scient que lorsqu'on le retourne chez soi à la maison, ces énergies de parasitage ne doivent pas y pénétrer parce que le lieu dans lequel on se repose est toujours haut en vibration si lorsqu'on revient chez soi, on a été le moindre parasité. C'est donc à dire qu'en étant vigilant, vous savez ce qui se passe et tout simplement, vous n'avez qu'à vous reposer pour que l'équilibre de votre mental se réinstalle et que vous soyez en mesure par la suite de savoir que la société ne changera pas, mais c'est vous qui devez changer pour ne pas être perturbable dans cette époque moyenâgeuse qui est celle que l'on connaîtra.